Audiomatique. C'est avec la formation anglaise Uncle que s'ouvrait la transmission 196 d'Audiomatique et leur chanson Panic Attack, qui comprend un échantillonnage de la pièce She's Lost Control du groupe Joy Division et de la pièce Variation 3 sur le thème de Benny Jesuit du compositeur français Richard Pinas. Panic Attack est tiré du deuxième album de Uncle, Never Neverland, paru en 2003. La musique est parmi un des mystères suprêmes de l'univers. Le fait musical se trouve au-dessus de toutes les manifestations de l'esprit humain. L'expérience musicale est un mystère car elle échappe à l'analyse du visible et du tangible, sinon par le biais de ce qui la matérialise, à savoir les sons. Thank you. nous terminons cette séquence de deux pièces sur la musique de l'artiste Rhys Fulber, qui nous offre avec son projet solo homonyme un nouvel album intitulé Your Dystopia, My Utopia, paru chez Sonic Groove Records. De cet album, nous entendions la composition Limited Vision. Rappelons que Rhys Fulber est une des figures marquantes de la musique électronique canadienne, notamment à travers sa participation aux formations Frontline Assembly et Delirium, et aussi grâce à son autre projet solo du nom de Conjure One. Avant Rhys Fulber, DJ Element nous offrait un remix de la pièce Interdimensional, originalement issue de la collaboration entre deux projets, soit Geomatic et Lagowski. Cette version ainsi que la pièce originale paraissent sur l'album Cosmo Chemistry, qui est justement le fruit de cette collaboration entre Geomatic et Lagowski. Pour la suite d'Audiomatic, nous vous présentons le projet québécois Spaceful of Astronauts. Thank you. À Audiomatic, il s'agissait du projet britannique Thomas, le pseudonyme de Tom Adams, de qui nous entendions la pièce Sins of a Solar Empire, qui ouvre son album As We Fall Into Static, Our Hearts Sing. Et pour débuter ce segment, on avait droit au projet québécois Spaceful of Astronauts, qui est mené par Jean-Pierre Mercier, mieux connu comme leader de la formation Handful of Snowdrops. De Spaceful of Astronauts, nous vous avons présenté la pièce Plenty of Room at the Bottom, tirée de l'album Nano Music. Sachez qu'Handful of Snowdrops a récemment lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme Indiegogo afin de produire en 2018 un nouvel album qui s'intitulera Noir. Si vous êtes intéressé à soutenir cette initiative, nous vous invitons à visiter le profil Facebook d'Audiomatic au facebook.com/audiomaticcfou, où vous trouverez le lien pour accéder à la page d'Handful of Snowdrops sur Indiegogo. À Audiomatic, continuons avec un projet québécois, à savoir Galerie Stratique et sa pièce intitulée « Orienté ». Thank you. La formation Colores en Espiral concluait cette séquence de deux pièces avec Amon, une composition qui se retrouve sur le mini-album Eterno Amor. Et avant Colores en Espiral, nous écoutions du Galerie Stratique, le projet de l'artiste québécois Charles-Émile Beulac. La pièce Orientée est tirée de son album Faux World, paru en 2008. Pour terminer la transmission 196 d'Audiomatique, nous avons choisi le groupe canadien Skinny Poppy et leur composition Serpents, extraite du CD single pour la pièce Texture, qui, elle, est parue sur l'album Vivisect 6, paru en 1988. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 197 d'Audiomatique. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatique quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Skinny Poppy et la pièce Serpents. C'était Audiomatique avec les électronistes.